océan, un voilier de 36 mètres, un grand laboratoire flottant dont les missions sillonnent les océans depuis plus de 10 ans pour mieux comprendre la biologie marine. Tara Océan, donc, vient de repartir en direction du Chili pour un voyage autour du monde qui durera plus de 2 ans. Après l'étude du plancton, l'étude du corail ou de la pollution marine par les microplastiques, le but de cette prochaine expédition sera d'étudier un peuple invisible caché sous la surface, le microbiome marin. Problème, ce microbiome marin est à peu près aussi inconnu qu'il est essentiel à la vie sur Terre. Il est donc temps de lever le voile et la voile sur ce peuple de l'eau qui est aussi peuple de l'ombre. Tara Océan Cap sur le microbiome marin, c'est notre programme maritime pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce travail de recherche en mer, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Colomban de Vargas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste marin, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff et co-directeur de cette mission microbiome. Nous sommes en compagnie également de Chris Bowler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du comité scientifique de la Fondation Tara Océan, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire génomique des plantes et des algues à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Mais avant de hisser les voiles, il est l'heure de retrouver celle qui est à la fois notre boussole et notre compas dans l'actualité scientifique. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Natacha Triou et de son journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec le sujet du jour. En France, la campagne de vaccination contre le coronavirus commencera ce dimanche. Oui, ça va très vite. Lundi, l'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert pour l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech. Dans les prochaines 24 heures, la Haute Autorité de Santé française devrait donner son accord. Samedi, les premiers vaccins devraient arriver en France et dimanche, coup d'envoi de la vaccination nationale. Alors, selon les informations du journal Le Monde, cela concerne deux centres, le service gériatrie d'un hôpital de Sevran, en Seine-Saint-Denis, le département qui a été le plus touché par la pandémie, et le second, le centre gériatrique du CHU de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, hier, en Seine-et-Marne, un essai grandeur nature s'est déroulé pour tester la distribution du vaccin de l'usine aux EHPAD. Ce vaccin doit se conserver à moins 70 degrés dans des super congélateurs, ce qui représente une complexité logistique. Alors cela ne vous a pas échappé que la date du dimanche 27 décembre, c'est beaucoup plus tôt que prévu. Cela sera surtout un symbolique, c'est la date du lancement de la vaccination européenne. La vraie campagne de vaccination massive sur les 7000 EHPAD commencera comme indiqué sur la feuille de route du ministère de la Santé. En janvier. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc les liens vers les études et les articles qui nous aident à préparer le journal et l'émission. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Current Biology, un petit loup momifié vieux de 57 000 ans a été découvert dans le pergélisol canadien. Un louveteau exceptionnellement bien conservé. La glace a préservé sa fourrure, ses os, ses organes, son estomac et même sa truffe. Il a été baptisé Zour, ce qui signifie loup pour le peuple Han. L'analyse ADN et la datation carbone ont révélé que ce jeune loup était vieux de 57 000 ans, de la dernière période glaciaire. C'est une mine d'informations sur la vie de cette espèce. Les chercheurs ont pu reconstituer le régime alimentaire de Zour et contrairement à ce qu'on pensait, les loups de l'époque glaciaire mangeaient essentiellement des poissons et du saumon, et non pas du bœuf ou du bison. Malheureusement, de telles découvertes ne sont possibles que parce que le réchauffement climatique accélère la fonte du pergélisol. En bref, toujours, une étude parue dans Environnement International prouve que les particules microplastiques peuvent pénétrer dans le placenta. Oui, on peut vraiment dire que la pollution microplastique est partout, des sommets des montagnes, aux profondeurs océaniques, jusque dans l'utérus. Dans cette étude intitulée Plasticenta, des chercheurs italiens ont analysé les placentas de 6 mères en bonne santé. Après avoir été dissous et filtrés, 4 d'entre eux ont révélé 12 petits morceaux de plastique coloré de 5 à 10 micromètres. Alors certains provenaient de la fine membrane qui forme une paroi autour du liquide amniotique. Alors certes, l'impact sur la santé des microplastiques dans le corps est encore inconnu. Il s'agit d'une cohorte minuscule pour de minces quantités de particules, mais selon les auteurs, ces résultats sont très préoccupants. Et enfin, selon un rapport publié dans The Guardian, le projet Breakthrough Listen a détecté plusieurs signaux inhabituels. Et ce projet fait partie du programme SETI sur la recherche d'intelligence extraterrestre. L'équipe a détecté des signaux que pour le moment, nous ne pouvons pas expliquer. Le radiotélescope Parkes, en Australie, a détecté des ondes radio à une fréquence de 982 MHz, 5 fois en 3 heures, un signal qui provient du système planétaire Proxima Centauri. Alors prudence face à cette annonce, hein, l'analyse des données n'est pas encore terminée, il n'y a pas encore d'études publiées. Avant d'y voir une technosignature, le signe d'une civilisation extraterrestre, il y a 99,9% de chances pour qu'il ne s'agisse que de simples interférences radio d'origine humaine. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Voilà plus de 10 ans que les missions Tara Océan sillonnent les mers du monde entier et contribuent à l'évolution de nos connaissances et de la recherche sur les écosystèmes marins. Cap à présent sur le microbiome marin. Pendant 21 mois, 80 chercheurs vont se succéder à bord du voilier Tara Océan pour comprendre et caractériser le microbiome marin, cette population océanique invisible à l'œil nu qui joue de nombreux rôles clés à l'échelle de notre planète. Pour en parler tout au long de cette heure, nous sommes en compagnie de Colomban de Vargas et de Chris Bowler. Mais je vous propose tout de suite de monter à bord de ce bateau si particulier qu'est Tara avec une archive de 2010. C'est Hervé Bourmeau, alors capitaine du voilier, qui en parlait sur France Inter. Tara, ça se vit pleinement. On peut vite être pris par cette machine qui devient carrément un individu, puisqu'on l'appelle elle souvent. Donc voilà, elle devient vraiment quelque chose de très fort. La navigation à la voile avec Tara reste relativement facile, malgré les 36 mètres et les poids et les forces qui sont gérées à bord. C'est un bateau très pratique et à la fois modulable, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qui passe, chaque fois le bateau est un petit peu modulé. Donc en fait c'est une plateforme de voyage, mais plateforme aussi scientifique, plateforme aussi de relations humaines, aussi d'intégration, d'arrivée dans un pays. Par exemple Tara, c'est un navire qui est tellement drôle de forme que les gens vont naturellement vers Tara. Voilà, le bateau est sympathique, il plaît bien, il étonne. Mais même nous qui sommes toujours à bord, il nous étonne toujours, même si des fois c'est un petit peu dur parce que il demande beaucoup. Il y a toujours le plaisir de se retrouver par exemple à l'Étrave, qui est un des endroits fabuleux, en pleine nuit sous les étoiles, avancer comme ça sur par exemple l'océan Indien. Et voilà, ça reste des moments merveilleux. Voilà pour cette description de ce bateau si particulier. Colomban de Vargas, une réaction à cette description de la goélette? C'est très émouvant d'entendre la voix d'Hervé là. C'était le capitaine avec qui j'ai commencé à travailler, puis il en parle très très bien, et c'est vrai que c'est un bateau qu'on a l'habitude d'appeler la baleine, parce qu'il a cet aspect un peu gris, un peu mastoc comme ça, c'est un bateau très très attachant. Chris Bowler, une réaction à cette archive, vous qui êtes scientifique, mais qui participez aux missions de Tara? Oui, en fait, ça me rappelle beaucoup de choses. Certes, je suis scientifique à bord, donc je m'occupe de la science à bord. Mais en tant que participant sur le navire, il faut aussi participer au quart de nuit. Et voilà, c'est un petit moment qu'on partage, les scientifiques avec les marins. On est toujours en binôme. Et ils sont des moments magiques dans l'océan Indien, par exemple, sous les étoiles, voilà, vraiment magique. On aura l'occasion de reparler un petit peu de toute cette vie à bord. On va peut-être se pencher, avant de parler de cette mission microbiome, on va peut-être remonter à la genèse des missions Tara, Colomban de Vargas. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quelle était l'idée de départ de ces expéditions scientifiques? Alors, nous, on a raccroché le bateau en 2008. Donc, il y avait une expédition avant qui était sur la banquise, en fait. Le bateau avait fait une dérive sur les glaces. Mais ça, c'était plutôt une expédition, en fait, qui s'occupait de mesures physiques de la banquise, et où Tara n'était pas le centre, en fait, scientifique de l'expédition. Et nous, en fait, on a eu la chance avec, autour d'Éric Carcenti, qui est un biologiste cellulaire à l'EMBL, et avec Chris et avec d'autres scientifiques, Gabi Gorski, on a conçu un programme en fait pour aller étudier la vie dans l'eau de mer, où Tara devenait vraiment le laboratoire central. Donc Tara a eu une importance énorme parce que on était contraint en fait par la taille du bateau, mais on a tout de suite voulu en fait faire un programme où on analysait la totalité du plancton, des plus petits organismes, des virus jusqu'aux animaux. Et ça c'était assez exceptionnel parce que personne n'avait regardé un écosystème vraiment sur sa totalité, donc d'une manière très holistique. C'était vraiment l'idée de départ. Oui. Ce bateau, il est pas tout jeune. Il date de la fin des années 80. C'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui l'avait conçu, qui l'avait pensé. Les missions Tara ont vraiment commencé à la fin des années 2000, au mi-temps des années 2000, vous le rappeliez. Chris Bowler, est-ce qu'on peut dire qu'en 15 ans, Tara a d'une certaine façon déjà transformé la façon de faire de l'exploration marine et de la biologie marine? Tout à fait, je pense que oui. Plusieurs personnes, ils parlent de Tara aujourd'hui comme le Calypso. Le commandant Cousteau. Donc, il a retenu, voilà, de Jacques Cousteau. Il a obtenu une renommée même internationale très importante grâce notamment aux résultats scientifiques qu'on a réussi à avoir dans les différentes missions ces dernières années. En parlant de ces résultats, justement, Chris Bowler ou Colomban de Vargas, plutôt, sur ces résultats-là révélés par Tara Océan, on pourrait peut-être parler des précédentes missions. On ne va pas s'attarder trop longtemps sur ces précédentes missions, mais quand même mettre un petit peu en avant ce qu'ont pu révéler ces travaux de recherche à bord de la Goélette au cours des 15 dernières années et des, je crois, 5-6 grandes missions. Donc on a pris des échantillons pour analyser la totalité du plancton marin, et puis après on a remis un peu le même protocole en route pour analyser aussi la totalité de ce qui se trouve sur les récifs coralliens, et puis de même après sur les plastiques. Et en fait, je crois que ce qu'on a révélé, on a fait un espèce de bilan surtout de la biodiversité en fait des océans, avec une méthode très homogène et surtout à l'échelle planétaire. Ce qui est très intéressant avec Tara, c'est qu'on avait la liberté d'être en mer sur des temps assez longs. Et donc, on a pu aller sur des échelles à la fois des organismes et spatiales globales. Et donc ça, c'est incroyable parce qu'on a maintenant une espèce d'atlas, en fait, de base de ce qui existe dans l'océan. Alors, ce qu'on a découvert, des tonnes de nouveaux gènes parce qu'on a fait beaucoup de séquençage. Plus de 150 millions de gènes eucaryotes, dont ça c'est que pour les eucaryotes, hein, c'est les cellules complexes, dont la moitié sont complètement inconnues au bataillon. Et puis après, on a mis en évidence aussi des dizaines de milliers de nouvelles espèces, essentiellement microbiennes. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la puissance des outils qu'on a aujourd'hui pour voir en fait cette vie, en fait, est suffisante pour en faire le tour. C'est-à-dire qu'on continue à séquencer, mais on ne voit pas grand-chose de nouveau. Donc on a un petit peu la totalité de la complexité biologique de l'océan. Vous avez cartographié d'une certaine façon le vivant des océans, le vivant invisible. Je rappelle aussi que 95% des virus marins sont connus grâce aux missions Tara. Il n'y a pas que le vivant en lui-même qui a été décrit, Chris Bowler. Il y a aussi des mécanismes assez complexes océaniques qui ont été mis sur la vie océanique qui ont été mis en évidence par Tara. Est-ce que vous pourriez nous rappeler éventuellement quelques-uns de ces mécanismes qui ont pu être démontrés par les scientifiques qui travaillent sur ces missions Tara? Oui, donc comme il disait Colomban, on a fait une espèce de recensement de la vie microbienne au sein des océans au début du 20e siècle, du 21e siècle. Voilà. On a également récolté beaucoup d'autres données concernant l'océan autour de ces organismes. Et donc, ça nous a permis de lier la vie avec certains processus, par exemple physico-chimiques au sein de l'océan. Un des processus importants concerne la pompe biologique à carbone, donc la manière dans laquelle la CO2 est absorbée par l'océan, notamment par la photosynthèse, par les organismes donc photosynthétiques, le phytoplancton, on les appelle, qui transforme donc le CO2 en matière organique, et une partie de cette matière organique, bien sûr, nourrit la chaîne alimentaire de l'océan, mais une partie coule également vers le fond de l'océan. Et il reste pendant de temps géologique très important. Donc, tout ce processus de séquestration de CO2 depuis l'atmosphère vers l'océan, il s'appelle la pompe biologique à carbone. Et à travers les analyses de Tara Océan, notamment, on a réussi à faire quelques liens entre les organismes microscopiques qui sont plus associés avec cette pompe biologique à carbone. Et donc, ça, c'est très important, car la pompe biologique à carbone au sein de l'océan, c'est le processus biologique le plus important sur Terre, en fait, pour séquestrer du CO2 depuis l'atmosphère à l'intérieur de la Terre. Grâce à la biologie. Donc, c'est même plus important que les arbres sur Terre. Donc, réussir à lier certains organismes avec le processus de la pompe biologique, c'était en fait très important. Et ces mécanismes complexes d'interaction entre le monde vivant dans les océans et leur environnement, on va en parler dans un instant puisqu'on va enfin plonger dans cette mission Microbiome. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, une méthode scientifique consacrée aujourd'hui à la mission Microbiome Marin de Tara Océan. Nous en parlons avec Colomban de Vargas et Chris Bowler. Alors ne tardons pas plus et parlons à présent de cette mission Microbiome. Chris Bowler, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est le microbiome marin? Parce que je crois que c'est une définition qui a été établie très récemment. Oui, bon, le microbiome, d'abord, concerne les organismes microscopiques, donc notamment les microbes, les organismes unicellulaires. C'est très proche au plancton, hein, finalement, hein. Sauf que au sein de communauté planctonique, il y a aussi des organismes multicellulaires, le zooplancton, les copépodes, les méduses, etc. Alors, eux, ils ne font pas partie, par définition, d'un microbiome qui est composé du microbiote, des microbes. Mais le microbiome comprend également le théâtre d'activité des microbes, du microbiote. Et donc, c'est ça l'importance du zooplancton, par exemple, car le zooplancton, c'est très lié aux microbes, à leur théâtre d'activité. Certes, le théâtre d'activité d'une microbiome océanique, ça peut être un zooplancton, ça peut être un poisson, ça peut être une baleine, mais ça peut également être l'océan dans son ensemble, car beaucoup de plancton vivent en suspension dans la colonne d'eau. Donc le microbiome océanique comprend le microbiote de l'océan et leur théâtre d'activité. C'est l'équivalent, si vous voulez, de microbiome humain, pour lequel le théâtre d'activité du microbiome humain, c'est nous. Voilà. Colomban de Vargas, sur cette complexe mais néanmoins passionnante définition du mot microbiome, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cette notion-là et à cette présentation de Chris Bowler? Non, mais c'était très bien dit. Je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est que tous ces organismes, en plus, communiquent avec tout un monde moléculaire. Donc, les cellules envoient des vésicules avec des messages d'ADN dedans, toutes sortes de molécules. Et donc en effet, c'est d'une complexité incroyable. Et ce qu'on peut rajouter peut-être aussi, c'est qu'en fait, pendant la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, mais pendant 2,5 milliards d'années, pendant la plupart de l'existence de la vie, en fait, la vie était microbienne, était invisible. Donc, toute la planète vivante était complètement invisible. Et en fait, la vie multicellulaire est apparue bien après, hein, il y a à peu près, l'explosion du Cambrien, c'est 500 millions d'années, donc c'est vraiment rien à l'échelle de l'histoire de la vie. Donc nous sommes vraiment, en fait, nous, les organismes multicellulaires, juste des visiteurs de ce microbiome. Donc comme a dit Chris, en fait, le microbiome du plancton, c'est vraiment une vision de l'écosystème planctonique, mais dans la peau d'un microbe et donc dans la peau de l'essentiel, en fait, de ces organismes qui nous ont précédés et qui ont fait déjà tout, qui ont fait tous les grands cycles biogéochimiques avant nous. Alors, on parlait tout à l'heure du rôle que joue ce microbiome marin. On arrive à décrire assez facilement, entre guillemets, ce microbiome. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de décrire les interactions de ce microbiome avec son environnement. Qu'est-ce qui rend la chose aussi compliquée, Colomban de Vargas? Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de gènes, et puis on ne peut pas les cultiver. Donc en fait, le 98% de ce microbiome est totalement incultivable. On ne peut pas le mettre dans des conditions de laboratoire et le faire pousser. Et donc on est obligé d'aller sur le terrain pour comprendre qui est avec qui interagit avec qui. Et pour ça, en fait, il faut beaucoup retourner, il va falloir beaucoup retourner dans l'océan pour faire des mesures et des mesures et des mesures, tout en mesurant toujours le contexte physique, chimique et biologique. Ce qui est compliqué. C'est pas une mince affaire, et il va falloir... Et c'est par les méthodes statistiques, en fait, qu'on arrive à reconstruire les interactions entre le vivant et entre le vivant et la physico-chimie. Justement, vous évoquez cette notion clé des statistiques. Est-ce qu'on a une idée, grâce aux statistiques, Chris Bowler, du nombre d'espèces qui nous restent à découvrir au sein de ce microbiome? On commence à avoir une petite idée. La mission Tara Ocean a révélé de l'ordre de 40 000 types de bactéries différents, 150 000 types de protistes, donc les eucaryotes unicellulaires différentes au sein de l'océan, et à peu près 200 000 types différents de virus dans l'océan. Avec les analyses qu'on a faites, on comprend que on commence à arriver à une saturation du système. Donc, plus qu'on échantillonne l'océan, plus qu'on trouve ce qu'on a déjà découvert, en fait. Donc, ces chiffres que je vous ai donnés, c'est une petite approximation de peut-être la totalité des espèces qu'on trouve au moins dans la couche photique de l'océan. Donc, ça veut dire le premier 100 mètres de l'océan où la lumière passe. Certes, ils sont des mesures, des estimations faites avec les outils moléculaires. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment donner les définitions sur espèce par espèce, par nom, etc. Oui, pour bien les décrire. Donc, mais c'est une première estimation. Oui. Colomban de Vargas, ce qui est très important, et c'est pas nous qui nous appelons la méthode scientifique qui vous diront le contraire, ce qui est très important, c'est la méthode. Alors, comment vous définiriez la méthode adoptée par la mission Microbiome de Tara Ocean? Je crois que c'est une méthode qui évolue, qui est en constante évolution sur ces missions. Ben, ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que quand on y pense, jusqu'à il y a à peu près 10 ans, en fait, on n'avait pas du tout encore les outils pour aller vers ce niveau de complexité. Mmh. On a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'en 2008, en fait, quand on a commencé cette histoire, et ben, c'était juste l'apparition du séquençage vraiment massif d'une méthode qui s'appelle Illumina et qui est d'une puissance incroyable et qui permet de séquencer vraiment à saturation. Donc, on a mis en route, en fait, un échantillonnage qui permet de ramasser la biomasse de plancton qu'on séquence massivement grâce à cette méthode. Et puis, on met aussi en route toutes sortes de méthodes d'imagerie qui vont pouvoir, en fait, quantifier les virus, les bactéries, les archées, les protistes et les animaux. Donc ça, c'est à peu près 6 types d'instruments de microscope et de méthodes d'analyse d'images qui nous permettent aussi de voir tout le spectre du vivant. Donc c'est des méthodes à la fois d'imagerie pour voir les organismes et génétique pour voir les génomes et les gènes exprimés. Ça, c'est pour la méthode technique et pour l'approche un peu plus épistémologique, pour employer un grand mot. Là, vous considérez ce microbiome comme un tout dans un tout. C'est une approche holistique, c'est quelque chose qui est très nouveau, enfin nouveau entre guillemets, dans la recherche scientifique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette approche holistique et de l'importance qu'elle a dans la bonne compréhension des interactions entre ces espèces vivantes dans l'océan? Alors après, en effet, on a des méthodes de biologie des systèmes qui sont de plus en plus utilisées, qui sont des méthodes en fait de réseau, où on fait des statistiques de choses qui apparaissent en même temps, en fait, dans un même échantillon. Et plus on prend d'échantillons, en fait, le plus ce qu'on appelle ces interactomes deviennent de plus en plus solides. Et donc on a en fait des grands réseaux d'interactions où chaque point peut représenter soit un organisme, soit un gène, soit un paramètre physico-chimique, et on arrive à comprendre en fait qui est avec qui et quand dans ces grands interactomes. Et en fait, on avait déjà dans Tara Ocean reconstruit un interactome global, mais c'est en fait ces structures qui représentent en fait la complexité des écosystèmes peuvent être analysées après de manière beaucoup plus fine sur des échelles spatio-temporelles aussi différentes. Chris Bowler, sur cette question de l'approche méthodologique adoptée par Tara. Oui, comme il disait Colomban avant, également le fait qu'on a toujours fait la même chose à chaque station d'échantillonnage de plancton, plus de 200 stations dans l'océan global. On a toujours fait la même chose pour échantillonner les virus, les bactéries, les petites eucaryotes, etc. Et donc, finalement, ça nous permet, avec les outils, beaucoup de mathématiques, hein, des outils computationnels, on arrive à comparer tout avec tout. Donc, ça veut dire qu'on peut comparer un écosystème microscopique qu'on trouve en Arctique, avec ce qu'on trouve en Antarctique, avec ce qu'on trouve dans les endroits tropicaux, etc. Et ça, c'est la nouveauté de TaraOcean, qu'on a réussi à faire un échantillonnage très standardisé à l'échelle globale, qui nous permet à voir comment les écosystèmes microscopiques fonctionnent finalement. Certes, c'est difficile. La vie microscopique, c'est justement invisible à l'œil nu, et donc il faut les outils particuliers pour l'analyser, avec les techniques de génomique, avec les techniques de microscopie. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est toujours grâce également aux approches computationnelles et statistiques qui nous aident à comprendre comment ces écosystèmes microscopiques fonctionnent. Voilà pour le standard imposé par TaraOcean, Colomban de Vargas. Tout à l'heure, vous rappeliez l'importance de l'étude in situ. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des grandes étapes de cette expédition microbiome qui vont avoir lieu au cours de 2 prochaines années? Pourquoi vous avez choisi ces étapes-là comme des étapes représentatives finalement de la vie océanique et de la biologie marine? Ouais, juste d'abord, Chris a vraiment raison d'insister sur le point que peut-être notre principal microscope, c'est vraiment Tara. Mm-hmm. Et Tara nous permet justement cette standardisation à l'échelle planétaire. Et ça, c'est une arme hallucinante en fait, parce qu'il y a personne qui peut vraiment faire ça. Et nous laisse aussi tout le temps de le faire, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec eux. Et donc ça, c'est absolument incroyable, parce qu'en effet, comprendre l'échelle Terre, en fait, la biologie de l'échelle Terre, va demander vraiment du temps, en fait, beaucoup de temps, et une méthode très standardisée à l'échelle globale. Donc ça, c'est une chance hallucinante qu'on a de pouvoir travailler sur ce bateau. Et sur ma question concernant les étapes, alors du coup, de la prochaine expédition microbiome qui vient de commencer, quelles seront ces étapes et pourquoi avoir choisi ces points-là en particulier? Voilà, donc le bateau est parti de l'Orient le samedi 12 décembre. Et en fait, là, on est encore en Bretagne parce qu'il y a des tempêtes terribles, en fait, dans le golfe de Gascogne. En principe, le bateau va vraiment partir de Bretagne ce soir. Là, on est dans le golfe de Douarnenez, donc je fais un petit coucou à l'équipage s'il écoute. On les salue aussi. Salut Martin. Et puis après, donc le bateau va traverser l'Atlantique jusqu'en Uruguay, on va aller directement au Chili. Et la mission scientifique va commencer le long de la côte chilienne. Après, on va faire un tour de toute l'Amérique du Sud. Il y aura une étape en fait où on va remettre le bateau en état de marche à Pointe-à-Pitre. Et puis on va descendre le long de la côte après de l'américaine, le long en Amazonie, le long du Brésil, de l'Argentine. On va faire un petit tour en mer de Weddell, en Antarctique, et puis retraverser sur Cape Town, sur l'Afrique, pour remonter le long de la côte africaine et revenir en Bretagne dans plus de 12 ans. D'accord. Alors, on évoquera tout à l'heure un petit peu l'importance du choix de ces points d'étape dans les recherches menées par les scientifiques à bord de TaraOcean. Mais puisqu'on évoquait avant ça le principe des missions Tara et les questions de méthode, je vous propose d'aller faire un tour du côté des laboratoires qui travaillent sur les données, justement, relevées au cours des précédentes missions. Céline Lozen, vous êtes allée voir une chercheuse à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris qui a participé à ces travaux. Bonjour Céline. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Oui, je suis allée voir Lucie Zinger, maître de conférence à l'ENS, qui a contribué avec Chris Bowler au criblage génomique des échantillons marins. Ces échantillons ont été prélevés lors de la dernière mission TaraOcean, menée entre 2013 et 2019, et qui ont été séquencés par le Génopôle d'Evry. Sur cette base, ce qu'ils ont pu montrer, c'est une variation génomique nette de la diversité des espèces planctoniques selon les latitudes. Alors en effet, au fil des gradients entre les eaux tropicales et polaires, cette biodiversité a tendance à s'effondrer, ce qui est un phénomène plutôt commun et connu dans le vivant, Mais ce qui était moins connu, c'est l'érosion du plancton polaire avec le réchauffement des eaux. Et dans le même temps, ils ont montré que les espèces tropicales, elles, arrivent à bien s'adapter et même à migrer dans les zones polaires. Ces résultats publiés l'an dernier dans la revue Cell soulignent l'impact écologique et climatique de ce bouleversement lié au réchauffement océanique. Ce qu'on a fait, c'est vraiment utiliser les données qui ont été produites par le consortium Tara pour essayer de comprendre comment se distribue la biodiversité du plancton à l'échelle globale et de voir quel pourrait être l'impact du changement climatique justement sur cette distribution de la biodiversité. Donc c'est vraiment sur l'aspect analyse de données de séquence qu'on se positionne ici. Qu'est-ce que vous avez pu observer sur cette biodiversité, les variations d'espèces dans cette région arctique en lien avec le réchauffement climatique ? Donc l'idée de regarder donc l'ensemble de la biodiversité à l'échelle globale, c'est de voir si au final on a une zonation, une distribution de la diversité qui va varier selon les températures. Il y a une règle qu'on observe très majoritairement sur le vivant. On a un déclin de la diversité en fonction des latitudes. Et l'une de ces raisons, c'est le fait que les températures froides sont des températures stressantes pour les organismes. Et donc, il y a moins d'espèces qui sont capables de se développer dans ces environnements-là. Alors, à mesure que les océans, les eaux des régions polaires se réchauffent, qu'est-ce qu'il advient de ces espèces plus fragiles, finalement ? Et bien, justement, ce à quoi on s'attend, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on s'attend à ce que si les océans dans ces zones-là se réchauffent, eh ben on va avoir plus d'espèces qui vont pouvoir se développer dans ces systèmes-là, donc plus de diversité, mais en même temps, des espèces qui sont adaptées au milieu du froid qui risquent de disparaître. Et donc ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence avec les données qui ont été collectées dans le cadre de Tara Arctique. Concrètement, quelles sont ces mesures ? Vous parlez de mesures génomiques, donc on essaye de quantifier la distribution de différents génotypes. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des barcodes moléculaires. Donc, en fait, dans le génome, il y a certaines régions qui sont partagées par l'ensemble des êtres vivants, d'accord, parce qu'elles codent pour des fonctions qui sont essentielles, mais elles varient selon les espèces. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher ces petites régions du génome, qu'on appelle des barcodes. Et donc, sur la base de ces barcodes, on va être capable de reconstituer, de savoir, parce qu'on a des bases de données de barcodes, du coup, et on va être capable de voir quelles sont les espèces qui sont présentes dans le système, ou même si on ne connaît pas les espèces, de voir qu'il y a des barcodes qui sont différents, et donc de mesurer une espèce de diversité en termes de barcodes, quoi. Alors, ici, sur cette figure-là, elle est assez dense parce qu'il y a pas mal d'informations. Sur cette figure-là, en fait, on a justement une représentation de comment varie la diversité des virus, des procaryotes, qui sont les bactéries et les archées, et des eucaryotes en général, en fonction des latitudes. On rappelle juste qu'en fait, le plancton, ça recouvre une très grande diversité d'espèces. Alors, donc, dans le plancton, effectivement, donc, il y a l'ensemble de l'arbre de la vie qui est représenté dans le plancton, hein, des virus. Alors, les virus, c'est pas toujours vu comme quelque chose de vivant, mais ça en fait partie. Et jusqu'aux animaux, en fait, hein, il y a des petits crustacés dans le plancton qui sont présents. Et donc, nous, ce qu'on a fait, donc, en utilisant l'outil génomique, ça nous a permis, justement, de observer la diversité pour l'ensemble de ces groupes-là. Et donc là, du coup, ce qu'on a observé, c'est que dans tous les cas, on a vraiment un gradient latitudinal de diversité classique, à savoir qu'on a une plus grande diversité dans les tropiques, et cette diversité diminue de façon plus ou moins linéaire quand on se rapproche des pôles. On voit bien, en fait, c'est un graphe où il y a la latitude en ordonnée. Ordonnée, voilà. Et donc, vous avez donc, ce qu'on appelle l'indice de Shannon, qui est une mesure de la diversité. Sur l'axe des... Et on voit un renflement, du coup. Voilà, vraiment, vous voyez vraiment ce vers l'équateur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce que vous montre cette figure. En dessous, on a en fait des données d'imagerie au débit pour confirmer en fait les données moléculaires. Et en fait, ces graphes-là représentent les différents organismes selon leur trait morphologique, en fait. Donc ça permet de voir... Plus il y a un éclatement, plus c'est diversifié en termes de morphologie. En orange, par exemple, ce sont des foraminifères, ou en violet, ce sont ce qu'on appelle les chalanidés, ce sont des petits crustacés. Et donc ça, c'est vraiment donc le gros résultat de ce travail-là, c'était vraiment de mettre en évidence ce gradient latitudinal de diversité. Et tout l'enjeu, c'est que on sait que le plancton est à la base des réseaux trophiques et que toute la chaîne alimentaire dépend de la viabilité de ces plancton, organismes. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Enfin, à partir du moment où on va modifier la composition et l'abondance du plancton, ça va se répercuter sur l'ensemble du réseau trophique marin. Et donc, ça peut avoir des conséquences importantes, non seulement en termes de cycle biogéochimique, parce que le plancton, en fait, il assure... L'oxygénation. Il oxygène, il capte du carbone aussi. Et d'un autre côté, il y a aussi des intérêts, enfin des impacts économiques potentiels, parce qu'il y a tout un tas d'espèces de poissons qu'on pêche beaucoup, qui reposent entièrement sur le plancton. Donc, l'idée de mieux comprendre comment se distribue la diversité de ce compartiment-là et comment il peut réagir face au changement climatique, c'est indirectement de comprendre comment les autres organismes dont on a plus l'habitude de parler risquent d'évoluer aussi en fonction de ces changements. Voilà pour ce travail en laboratoire sur les données relevées par les expéditions de Tara Océan. Une courte réaction éventuellement à ce reportage Colomban de Vargas. Oui, j'étais super d'entendre Lucie et en fait, donc par exemple dans ce travail, c'est absolument génial parce qu'on a pu mettre en évidence ces grandes structures. Alors maintenant, vraiment, il va falloir comprendre en fait les mécanismes qui mettent en place ces structures, vraiment les fonctionnements mécanistiques pour pouvoir en fait modéliser et prédire en fait comment les choses vont se passer dans le futur. Chris Boller, une courte réaction également à ce reportage qui était tourné chez vous, je crois. Oui, tout à fait. Lucie, je connais très bien. Et c'est super car finalement, on arrive à comprendre quelque chose sur la vie microscopique et, qui a toujours resté une mystère, comme il disait Isaac Asimov, l'auteur de science-fiction. Il disait « Tout ce qui concerne la vie microscopique est terriblement bouleversant. Comment les choses si petites peuvent-elles être si importantes ?» Et donc, à travers les analyses qui a résumé Lucie, on a réussi à comprendre quelque chose sur la structure des communautés microbiennes qui vont nous aider à mieux prédire quel sera l'impact du changement climatique de ce monde microbien et quels seront alors les impacts sur les réseaux trophiques et sur les cycles biogéochimiques qui sont cruciaux pour le bien-être de l'océan, de la planète. On va poursuivre dans un instant notre discussion consacrée à la mission microbiome de Tara Océan, mais avant cela, comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et nous traversons le globe pour rejoindre la Polynésie où nous retrouvons Chloé Posas-Chacre. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de vous réveiller aussi tôt puisqu'il est 5h du matin chez vous en Polynésie passée. Oui, le soleil. Donc Chloé Posas-Chacre, vous êtes en deuxième année de thèse au sein du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Votre thèse a pour titre « Effet des macro-algues sur la médiation chimique et microbienne du recrutement corallien et le microbiome du corail ». Et vous nous en parlez tout de suite, c'est à vous Chloé. Alors, du coup, comme son titre l'indique, ma thèse porte sur les interactions corail-algues, mais plus particulièrement sur les interactions indirectes, c'est-à-dire celles qui vont se faire par l'intermédiaire de molécules chimiques et de micro-organismes, tels que les bactéries ou les virus. Et je travaille sur certaines espèces de grandes algues brunes qui envahissent en fait véritablement les récifs coralliens suite à la forte mortalité que subissent les coraux depuis ces dernières décennies. Et le problème, c'est que ces algues, une fois en place, elles vont vraiment maintenir leur dominance à travers divers mécanismes, limitant alors la récupération des communautés coralliennes. Et au-delà de leur simple nature physique, donc par abrasion par exemple, ces mécanismes peuvent aussi être de nature chimique et microbienne. Donc par contact direct, les algues peuvent favoriser le transfert de composés chimiques et pathogènes, pouvant provoquer des maladies et altérer alors la survie des coraux. Par contre, on en sait beaucoup moins en fait sur les mécanismes par contact indirect et c'est là que ma thèse intervient. Donc tout d'abord, il faut savoir que les organismes, que ce soit des plantes ou des animaux, sont associés à des communautés de bactéries, virus et autres symbiontes. Et donc pour vous donner une petite définition, on nomme ces unités écologiques des holobiontes. Donc c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle l'holobionte corallien, qui est constitué du corail lui-même et de tout son microbiome. Et en fait, autour de ces organismes, on va vraiment retrouver comme des sphères chimiques et microbiennes qui vont être façonnées par la circulation des masses d'eau. Et il va exister des interactions très complexes entre les organismes, les molécules qu'ils produisent et les micro-organismes. Donc par exemple, l'holobionte corallien peut relarguer des molécules chimiques qui vont diffuser dans la colonne d'eau et structurer les communautés de micro-organismes autour de lui. C'est-à-dire comme attirer des bactéries bénéfiques ou au contraire repousser des pathogènes. Et donc un premier objectif de ma thèse va être de voir si la présence des algues génère des paysages chimiques et microbiens distincts. Donc, c'est-à-dire de décrire les molécules et les micro-organismes qu'on va retrouver à différentes distances des algues pour différentes espèces. Et un deuxième objectif va être de déterminer les influences de ces paysages sur le comportement des larves de coraux. Puisque une fois sur le récif, les larves, elles vont devoir trouver un endroit propice à leur implantation. Mais ce n'est qu'une seule étape en fait du recrutement corallien et toutes les étapes successives de ce processus vont être primordiales puisque c'est par elles que les communautés coralliennes vont pouvoir récupérer. Et donc comme je l'ai dit, les larves elles vont devoir tout d'abord trouver un endroit favorable où s'implanter et se métamorphoser dans un environnement qui est très complexe et les jeunes coraux vont ensuite devoir survivre et grandir pour devenir des colonies adultes. Et donc tout au long de ma thèse, je vais regarder les effets indirects des algues sur ces différentes étapes. Et il faut aussi savoir que les larves répondent à des signaux chimiques et microbiens qui vont les inciter à s'implanter sur le récif. Et je vais essayer de voir, par exemple, à quelle distance les macroalgues elles peuvent limiter cette implantation par l'intermédiaire de biofilms bactériens, c'est-à-dire les communautés bactériennes qui vont se développer sur le substrat. Et enfin, je vais aussi explorer en quoi les macroalgues peuvent altérer le microbiome des coraux adultes et voir quelles conséquences cela peut avoir sur la qualité des larves et des jeunes coraux produits par ces coraux-là. Donc, c'est-à-dire étudier les effets intergénérationnels en fait des algues sur les coraux. Et donc grâce à l'approche combinée de la microbiologie et de la métabolomique, donc l'étude des molécules produites par les organismes, mes recherches vont apporter des connaissances quant à la diversité et au rôle des micro-organismes et des molécules chimiques dans le fonctionnement des écosystèmes coralliens, mais également de comprendre davantage les conséquences de la présence des macroalgues sur le recrutement et la dynamique de l'holobionte corallien, qui sont vraiment deux processus essentiels à la pérennité des récifs. Merci beaucoup Chloé, on dirait pas que vous êtes levée de si bon matin, j'aimerais pouvoir être aussi claire aussitôt. Voilà, une petite réaction, on vous souhaite bon courage pour la fin de votre thèse, une petite réaction Chris Bowler éventuellement à ce travail de thèse, on comprend bien la technicité maintenant que recouvrent les travaux en biologie marine. Oui, félicitations, c'est une super thèse, je serais très intéressé à savoir les résultats. Mais ça montre encore une fois que dans l'océan tout est connecté. Ça montre que les écosystèmes changent et ça montre que les organismes ils ont une forte capacité de s'adapter au changement. Donc c'est tout à fait les processus naturels qui sont en jeu, qui seront étudiés pendant cette thèse. Tout à fait intéressant et comme elle a très bien expliqué, le microbiome est clé dans tous les processus qu'elle va étudier pendant cette thèse. Donc encore une fois, le microbiome c'est central pour le bien-être de l'écosystème. Et maintenant, à travers la mission microbiome, on va également essayer de mieux comprendre l'impact de l'homme sur les écosystèmes, sur les changements au sein des écosystèmes. Et pour pour comprendre tout ça, il va falloir réaller des prélèvements en mer. Colomban de Vargas, on évoquait un tout petit peu la question tout à l'heure et on l'a peut-être posée un peu rapidement, la question du choix des zones où vont être effectués ces prélèvements. Alors pourquoi avoir choisi certains endroits en particulier? Est-ce que ce sont des endroits particulièrement représentatifs de la richesse et des interactions du microbiome marin? Je réponds, Colombo. Oui, c'est à vous que je posais la question. Désolé. On a choisi ces endroits pour leur richesse en effet en changement environnemental. Et alors en fait, ce qu'on va faire pendant cette mission, c'est qu'on va étudier ce qu'on appelle des gradients. C'est-à-dire, c'est des endroits de l'océan où on passe d'un paramètre environnemental à son autre extrême. Par exemple, d'une zone qui est où il y a beaucoup d'apport d'eau douce vers une zone salée, ou d'une zone qui est riche en oxygène vers une zone qui est complètement pauvre en oxygène. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant avec tous ces gradients, c'est qu'ils En général, dans l'océan d'aujourd'hui, on trouve les valeurs de ces paramètres qui sont prédites dans l'océan du futur. Donc en fait, localement, si on va au bon endroit, on peut voir un petit peu l'océan comme il sera dans le futur plus globalement. Et donc ces gradients sont quand même des petites boules de cristal en fait qui nous permettent de lire dans le futur de l'océan. Et donc tout le voyage là va se situer en fait sur ces gradients et on va étudier toute une multiplicité de ces gradients. Et aussi dans l'interface entre la terre et la mer, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Et d'un point de vue géographique, où se situeront ces zones de prélèvement, si on en prend quelques-unes par exemple? On va commencer par le Chili. Alors le Chili, c'est le pays des gradients par excellence. C'est incroyable parce qu'on parle de l'Antarctique, où il y a maintenant des icebergs qui sont en train de se former de manière massive. Dans les canaux de Patagonie, où en fait là il y a des glaciers qui fondent et qui commencent à rendre l'eau beaucoup plus saumâtre de l'océan. Et puis après, si on remonte plus au nord du Chili, on arrive vers des zones hyper intéressantes où la surface de l'océan est oxygénée, mais dès qu'on descend à peu près à 100 mètres, il n'y a plus une goutte d'oxygène et il y en a tout le gradient de perte de l'oxygène. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que notamment ces zones anoxiques de l'océan commencent à s'accroître et donc on va vraiment pouvoir comprendre l'effet de ce phénomène sur le microbiome. Et puis après, on va continuer, on va aussi donc étudier l'effet de grands fleuves, comme l'Amazonie ou le fleuve Congo, sur l'océan. Et donc aussi l'effet de l'exploitation en fait, des terres sur ce que ces fleuves rejettent dans l'océan. Chris Bowler, j'avais eu la chance de vous rencontrer l'an passé quand Tara était amarrée à Paris. J'avais fait un reportage avec vous et j'avais été impressionné par les équipements à bord de Tara. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi on a besoin quand on est un chercheur embarqué au milieu de l'océan pour faire des prélèvements efficaces, de qualité et qui puissent être ensuite transmis au laboratoire à terre? D'abord, il faut les protocoles très bien cadrés. Très précis pour permettre que tous les scientifiques à bord font la même chose. Ça, c'est primordial pour, comme on disait avant, pour pouvoir comparer tout avec tout. Mais c'est une tâche difficile. Hein? On a une petite équipe scientifique à bord. Typiquement, on est entre 5 et 6 scientifiques. Donc, il faudra décider où on va échantillonner, à quelle profondeur on va échantillonner. Ensuite, le processus d'échantillonnage prend pas mal du temps. Il faut échantillonner, il faut filtrer l'eau. On filtre typiquement l'eau par fraction de taille pour trier les organismes en taille, en fait, donc des plus petits virus jusqu'aux plus grands organismes multicellulaires qu'on échantillonne, les méduses, les petits crustacés, etc., en passant par les bactéries et les petites unicellulaires eucaryotes, les protistes. Donc, le triage par taille, ça nous permet de simplifier un peu ce monde microscopique du plancton. Comme je disais, on fait toujours la même chose. Et donc, la plupart de l'activité des scientifiques à bord, c'est de filtrer et c'est de préparer les échantillons de microbes, de plancton, qui sont ensuite envoyés dans les laboratoires sur Terre pour faire les analyses. Chaque laboratoire spécialisé, par exemple en génomique, par exemple en microscopie, en analyse chimique, etc. Et une fois les données brutes sont générées par les équipes sur Terre, on essaie de décortiquer les données pour comprendre, différents types d'informations. Et pour ça, il faut beaucoup d'analyses computationnelles, beaucoup d'analyses statistiques pour trouver les signaux forts dans les différents types de données qu'on récolte. Donc, la vie à bord, la vie scientifique à bord, c'est la première étape de toute une chaîne des analyses qu'on essaie de standardiser tout au long le processus pour enfin mieux comprendre quelque chose sur la vie microscopique des océans. Et Colomban de Vargas, Chris Bowler le disait à l'instant, ces missions Tara génèrent une quantité importante de données. Ces données, elles sont ouvertes et ça aussi, ça a une grande importance. Oui, alors ce qui est, je crois que ce qu'on a pu très bien faire, et ça c'était vraiment aussi grâce à Eric Carsanti, Eric en fait travaillait à l'EMBL, c'est le centre européen qui notamment organise les grandes bases de données à l'échelle européenne, par exemple les bases génétiques. Et donc on a travaillé avec eux pour vraiment bien mettre les données en relation génétique, par exemple en relation avec les données environnementales, avec les données physiques, chimiques, et tout est bien sûr offert à la communauté. En général, on relâche les données une fois qu'on les a un peu comprises et puis avec une première publication. Après la première pêche. Ouais, voilà. Mais ce qui est génial, en fait, c'est qu'on a réussi à suffisamment à bien organiser ces bases de données de manière à pouvoir les compléter par toutes les missions Tara. La mission sur le corail, en fait, va être intégrée à celle sur l'océan. Et donc, toutes ces données deviennent intercomparables et donc prennent vraiment de la puissance. Et en fait, elles sont énormément utilisées. Maintenant, il y a au moins autant de publications par des collègues qu'on ne connaît même pas, en fait, hein, en Chine, au Japon, ou n'importe où, qui utilisent ces données et puis qui sortent des articles assez remarquables, en fait. Donc ça, c'est peut-être notre plus grande fierté, finalement. Chris Bowler, vous évoquiez tout à l'heure la question de ces relevés effectués à bord. Il va falloir, cette fois, adapter votre protocole de recherche au fait que vous étudierez une interaction et non plus seulement une caractérisation d'espèces. Exactement. On ne va pas simplement étudier qui est là, mais on va essayer de comprendre pourquoi ces organismes sont présents, qu'est-ce qu'ils font, comment qui interagit avec qui et pourquoi ils font ça. Et on va essayer de mieux comprendre tout ça dans le contexte, dans leur théâtre d'activité. Donc, ça peut être dans un gradient de salinité, à l'embouchure d'une fleuve, par exemple, ça peut être par rapport à la pollution, aux microplastiques qui sont présents. Donc, on va essayer de mieux comprendre les organismes et comment ils fonctionnent ensemble dans son écosystème, dans son biome, dans son théâtre d'activité. Voilà. Colomban de Vargas, comment on adapte le bateau et la logistique à bord à cette évolution du protocole dont on comprend la complexité? Je crois, ce que dit Chris, c'est ce que disait l'étudiante en thèse, là. Je crois que vraiment ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la biologie, là, à mon avis, ça va être un petit peu le plus important, là, en ce début de troisième millénaire, c'est de comprendre la coopération. Parce que ce qu'on voit dans ces grands interactomes du vivant, c'est qu'en fait, les relations entre espèces de coopération sont beaucoup plus riches que celles de compétition. Et en fait, ça change même un peu l'idée qu'on a de la théorie de l'évolution, quelque part, parce que la sélection de Darwin, en fait, c'est que la phase un peu sombre de l'histoire. Mais ce qui forme ces grands réseaux d'interaction et ce qui même fait évoluer les espèces, c'est la symbiose. C'est-à-dire, c'est les espèces qui interagissent entre elles, qui s'auto-organisent, qui coopèrent, et qui souvent forment des espèces de super-organismes qui ont une fonction nouvelle dans l'environnement. Et là, il y a plein de recherches sur la symbiose, en fait. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, parce que je pense que on va faire des progrès fantastiques sur la compréhension de la formation de nouvelles espèces, de la création de systèmes complexes. Et donc, pour ça, on fait évoluer les techniques à bord, et notamment, là, on va ajouter des techniques de microscopie subcellulaire. Donc, on va pouvoir voir l'intérieur des cellules pour comprendre, justement, quel est le microbiome, parce que même ces microbes ont un microbiome à l'intérieur d'eux-mêmes. Par exemple, il y a des protistes, hein, qui sont des cellules comme sont les nôtres, mais à l'état unicellulaire, qui contiennent des bactéries, des virus. Et tous ces microbes, en fait, forment des petits écosystèmes dans l'écosystème. Et donc là, on va essayer d'aller de plus en plus loin dans la compréhension de ces relations symbiotiques de coopération. Chris Bowler, Pardon. Excusez-moi de vous couper, c'est compliqué à distance. Chris Bola, est-ce que vous partagez cet avis de Colomban de Vargas justement sur cette biologie marine en train de se dessiner et sur cette nécessaire compréhension des symbioses entre organismes? Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre l'écosystème dans son ensemble des organismes qui sont présents. On a des outils disponibles aujourd'hui qu'on n'avait même pas il y a 10 ans pendant l'expédition de Tara Océan. Par exemple, il y a les instruments qui sont disponibles aujourd'hui qui sont aussi adaptables à utiliser sur un bateau comme Tara, car ils sont ils ont été miniaturisés ces derniers 10 ans, qui donc finalement permet de mettre énormément qui permet de mettre plus d'instruments à bord de Tara qu'on pouvait faire à l'époque de Tara Océan. Ça permet par exemple de faire le séquençage ADN à bord. Il y a les instruments pour séquencer l'ADN qui sont très très très petits, de la taille d'une clé USB. Par exemple, on peut séquencer des millions de nucléotides d'acides nucléiques à bord. Donc tout ça, on ne pouvait que rêver ce genre de choses pendant l'expédition de Tara Océan. Oui. Aujourd'hui, on a toute une série d'équipements qu'on peut bénéficier pour la mission Microbiome. Et Tara Océan a repris un petit peu aussi d'une certaine façon le flambeau du commandant Cousteau sur l'aspect communication. Colomban de Vargas, c'est très important pour vous et pour tous les scientifiques embarqués dans ces missions-là de Tara Océan de partager le savoir et au cours de vos escales de rencontrer des publics différents. Ouais, bah c'est génial parce qu'en effet, comme disait Chris, maintenant Tara c'est devenu un bateau assez emblématique et connu. Et donc quand on arrive dans les ports, en fait, on a vraiment des conversations avec des écoles, avec des politiques, avec toutes sortes de gens de tous les niveaux. Et puis on est obligé de vraiment comprendre ce qu'on fait parce qu'on essaie de leur parler de choses en fait compliquées en fait, hein, du front de la recherche, mais avec des mots simples en fait. Et quand on arrive à expliquer ce qu'on fait à un enfant de 7 ans, c'est qu'on l'a vraiment bien compris. Donc en fait, c'est bon, pour moi, c'est égoïstement, je trouve que c'est un exercice extrêmement important pour ma recherche. Et puis après, c'est assez génial en fait, je pense, d'être forcé un petit peu à communiquer. On n'a pas beaucoup l'habitude, hein, parce que un petit peu dans les tours d'ivoire du milieu académique, en fait, c'est pas un exercice qu'on fait. Mais c'est très plaisant parce qu'on a l'impression aussi de participer à quelque chose de très humain, quoi. Ouais. Bah, en parlant d'humain, c'est quand même des missions qui nous font rêver. Faut pas oublier que c'est un bateau qui sillonne les mers. On pense à Humboldt, on pense à Darwin. Si je vous prends un petit peu au débotté, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous pourriez nous raconter, je sais pas, un souvenir qui vous a marqué, sur ce bateau? Chris Bowler, Colomban de Vargas, l'un ou l'autre, choisissez, commencez. Chris Bowler, peut-être. Ah, vas-y, Chris. Oui. Donc d'un côté, les quarts de nuit sont très spéciales, passées avec les marins à bord, sous les étoiles. C'est un petit moment où on partage beaucoup de choses entre des scientifiques, entre les marins. Et c'est toujours un moment très très précieux, très très privé à bord. De l'autre côté, quand on commence à échantillonner notre monde microscopique au sein de l'océan, c'est aussi un moment magique. On est sur le pont du bateau, on a les appareils dans l'eau, on maîtrise ce qu'on fait, et c'est aussi un moment magique qui on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Donc j'aime les deux côtés en fait, la vie à bord. La vie à bord, la vie scientifique, la vie sur les eaux. Merci beaucoup à vous deux, Colomban de Vargas, Chris Bowler, de nous avoir fait prendre le large tout au long de cette heure à la poursuite de ce microbiome. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, François Malordi, Céline Lozen, Natacha Triou, Tom Hindenstock, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes. Au programme demain, après avoir vogué sur les mers, on descendra sous terre, on parlera des merveilles paléolithiques de la grotte Chauvet, du non moins merveilleux atlas qui lui est consacré et qui est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. On en parlera avec les scientifiques qui ont piloté ce travail colossal qui fera date dans la recherche sur les grottes ornées. À demain.